voulait dire que le tueur à gages embauché par un tiers aurait changé de cible car il connaissait en fait une autre personne présente dans la soirée et qu'il aurait préféré l'assassiner elle. Eh, prenez une aspirine et remettez-vous au boulot.